bonjour à toutes et à tous. Tout va bien, Xavier ? Ça va très bien. Où nous conduisent vos chemins aujourd'hui, Géraldine ? En Italie. Je vous suis. À demain, à Xavier. Bien. Comment se rassembler pour renverser l'ordre établi ? Toute crise est-elle le début d'une révolution ? Quelle place faire à la culture populaire et quel rôle donner aux intellectuels pour transformer le monde ? Pour affronter ces questions, toujours d'actualité, Antonio Gramsci nous est précieux. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais sa philosophie est sur toutes les lèvres. Révolution, hégémonie, société civile, crise, sens commun, populisme, ce marxiste né dans un petit village de Sardaigne à la fin du 19e siècle, journaliste militant puis dirigeant du Parti communiste italien, emprisonné par le régime fasciste puis adulé par Pier Paolo Pasolini, nous a laissé non pas un système ni une théorie, mais des centaines d'articles, de lettres et 33 cahiers écrits en prison, soit une profusion de pistes, d'hypothèses, de concepts et de problèmes, de quoi, comme il le désirait, ne laisser personne indifférent. Bonjour Romain Descendre. Bonjour. Vous êtes professeur d'études italiennes et d'histoire de la pensée politique à l'École normale supérieure de Lyon. Vous animez avec Jean-Claude Zancarini, que nous recevrons demain, un séminaire à l'ENS de Lyon sur les cahiers de prison d'Antonio Gramsci. Et vous préparez toujours avec Jean-Claude Zancarini un ouvrage sur Gramsci qui va paraître aux éditions La Découverte. Alors comme je l'ai dit, le nom d'Antonio Gramsci n'est pas connu du grand public. Pourtant, sa pensée imprègne notre vie politique. Pouvez-vous nous présenter Antonio Gramsci ? Bien sûr. Il s'agit d'un penseur qui est au départ un militant politique, qui né en Sardaigne, hein, vous l'avez dit, qui fait ses études à Turin à partir de 1911. Il fait des études de linguistique, ce qui a son importance pour la suite. Et puis qui très vite se trouve pris dans le mouvement socialiste au cours de la Première Guerre mondiale et qui est amené à interrompre ses études et à écrire dans les journaux socialistes de Turin à une époque où Turin est la ville ouvrière la plus industrialisée d'Italie. Et il se trouve pris donc dans le mouvement ouvrier pendant la guerre, à l'époque de mouvements anti-interventionnistes importants et à l'époque de la révolution russe. Après la guerre, il participe et il est même la principale tête pensante de ce qu'on appelle le mouvement des conseils d'usine, qui est un mouvement révolutionnaire hein, à Turin en 1919-1920, qui aboutit à des occupations d'usines, à la prise de contrôle par les ouvriers, par les organisations ouvrières, mais surtout par l'équivalent des soviets, qui étaient ces conseils d'usine, de la production. Et il est ensuite l'un des principaux fondateurs du Parti communiste italien. Il va de ce fait être à la fois un des principaux ennemis du fascisme naissant, hein, à partir de la prise de pouvoir de Mussolini à la fin de 1922, mais c'est un moment où lui-même est à Moscou. Il est le représentant à l'international communiste du Parti communiste italien. Et il ne peut revenir qu'au bout de deux années, à partir du moment où il est élu député et donc protégé par l'immunité parlementaire, parce que même si à cette époque-là, donc en 1923-24, le régime mussolinien n'est pas encore devenu la dictature qu'il allait vite devenir, la répression contre les opposants au nouveau pouvoir est déjà assez féroce. Il se bat contre ce régime pendant deux ans et demi jusqu'au moment où il est emprisonné. Où il est capturé à la fin 1926, à un moment où, précisément le moment où le régime se durcit le plus, et il va passer le reste de sa vie incarcéré, alors en prison. En prison l'essentiel de son temps, et à la fin en clinique, hein, mais dans une clinique où il n'a pas possibilité de retrouver recouvrer la liberté. Il meurt jeune. Il meurt en 1937. Il meurt quelques jours à peine après avoir été libéré, hein, donc on voit qu'il a passé de la fin de 1926, début 1927, jusqu'en 1937, toute cette période-là incarcéré. Il meurt jeune et il est en fait très malade. Il a une maladie qu'il a depuis l'enfance et qui d'ailleurs a des conséquences souvent assez terribles, mais qui participe d'une certaine manière aussi à la force du personnage, parce que toute sa vie est une vie de combattant. C'est comme ça qu'il se définissait, hein. Je suis d'abord et avant tout un combattant, et c'est un combattant politique, mais c'est aussi un combattant pour la vie et contre ses propres douleurs et maladies. Comment avez-vous découvert Antonio Gramsci pour votre part, parce que c'est un nom en fait qui est peu connu? Quand on parle d'Antonio Gramsci, on a peut-être en tête, ça nous dit peut-être vaguement quelque chose, mais rien d'autre. Et pourtant, ces concepts ou ces notions, en tout cas ces idées, imprègnent la vie politique. Je pense notamment à ces idées sur la culture, ces idées sur la société civile, ces idées aussi sur la révolution. Qu'est-ce qui vous a fait connaître ce personnage et comment interprétez-vous ce paradoxe entre la présence de sa pensée mais la méconnaissance du personnage lui-même ? Alors, il y a deux aspects dans votre question, c'est-à-dire qu'il y en a une qui, est personnelle, qui est personnelle, et l'autre qui touche Gramsci lui-même et sa fortune et sa postérité. Pour ce qui me concerne, Gramsci est le premier auteur en fait sur lequel encore étudiant j'ai voulu travailler. À l'époque c'était au tout début des années 90, j'avais fait ce qui s'appelait encore une maîtrise en philosophie sur Gramsci, et c'est vrai que ce n'était pas du tout évident, c'était encore moins évident à ce moment-là au début des années 90 de tomber sur Gramsci qu'aujourd'hui où il est quand même abondamment cité et où au moins son nom est connu. C'est dû en fait dans le milieu universitaire, hein. Essentiellement, oui, mais dans le milieu universitaire, mais aussi dans les mouvements sociaux aujourd'hui. Hein, une grande partie des nouveaux internationalismes qui se sont forgés depuis une vingtaine d'années ont tiré leurs idées et leurs analyses beaucoup plus de textes de Gramsci par exemple que de Lénine, hein. Mais en tout cas voilà, à l'époque moi c'est simplement lié au fait que je suis j'ai une double formation, à la fois de en philosophie et en études italiennes. Et en tant qu'italianiste, pour le coup, Gramsci m'était beaucoup moins inconnu parce qu'il a une importance énorme dans toute la culture italienne, y compris littéraire, du XXe siècle. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis penché de mon côté sur Gramsci. Après, il faut savoir que Gramsci est l'auteur italien le plus étudié dans le monde. Le plus lu, le plus étudié dans le monde, celui sur lequel on publie le plus. Et la France fait un petit peu exception de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si Gramsci est peu connu en France, vous allez en Amérique latine, en Amérique du Nord, ou en Asie et même en Afrique, vous allez trouver beaucoup plus de gens qui vont vous parler de Gramsci et qui l'auront lu. Et d'ailleurs, le retour, de façon assez étonnante, le retour relativement récent de l'intérêt pour Gramsci en France vient moins de l'Italie directement que de son omniprésence dans les sciences sociales, dans cette partie, enfin ces mouvements des sciences sociales que sont les études qu'on appelle les études subalternes, mais aussi les études postcoloniales, les cultural studies. Donc une culture des sciences sociales qui est très, très internationale, très, très anglo-saxonne et où Gramsci est très présent. Les communistes turinois s'étaient posé concrètement la question de l'hégémonie du prolétariat. C'est-à-dire la question de la base sociale de la dictature du prolétariat et de l'État ouvrier. Le prolétariat peut devenir la classe dirigeante et dominante dans la mesure où il réussit à créer un système d'alliances de classes qui lui permettent de mobiliser contre le capitalisme et contre l'État bourgeois la majorité de la population laborieuse. Ce qui, dans le cas de l'Italie, compte tenu des rapports réels qui existent entre les classes en Italie, revient à dire « dans la mesure où il réussira à obtenir l'assentiment des larges masses paysannes ». Non seulement doivent être surmontées les distinctions qui existent entre les différentes professions, mais il faut, pour gagner la confiance et l'assentiment des paysans et de certaines catégories semi-prolétariennes urbaines, surmonter plusieurs préjugés et vaincre certains égoïsmes qui peuvent subsister et qui en effet subsistent dans la classe ouvrière en tant que telle, même lorsque les particularismes de métier ont disparu. Non seulement il faut que le métallurgiste, le menuisier, l'ouvrier du bâtiment pense en tant que prolétaire et non plus simplement en tant que métallurgiste, menuisier, ouvrier du bâtiment, etc. Mais il faut encore qu'il fasse un pas de plus. Il faut qu'il pense en ouvrier, membre d'une classe qui tend à prendre la direction des paysans et des intellectuels. D'une classe qui ne peut vaincre et ne peut construire le socialisme que si elle est aidée et suivie par la grande majorité de ces deux couches sociales. Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. En 1926, Antonio Gramsci écrit cette phrase, se pose la question de l'hégémonie du prolétariat, Romain des Cendres. C'est dans un texte interprété par la comédienne Maëlys de Ricordo qui apparaît dans un article qui s'appelle « Quelques thèmes de la question méridionale ». Alors on en vient, après la présentation que vous nous avez faite d'Antonio Gramsci, Romain des Cendres, à un concept, est-ce un concept en tant que tel, à une notion en tout cas très présente chez Gramsci qui est celle de l'hégémonie. Comment faut-il l'entendre chez Gramsci? Alors, ce texte est important parce que il présente, c'est un des premiers textes hein, chronologiquement dans lesquels Gramsci parle de l'hégémonie. Et ce texte est important parce qu'on voit que au départ il s'agit d'un concept de Lénine. Hein, donc, l'hégémonie, avant d'être un concept gramscien, c'est un concept léninien ou léniniste. C'est l'idée fondamentale selon laquelle la prise du pouvoir par les ouvriers ne peut se fonder que sur une alliance de classe avec les paysans. Donc ça n'a rien à voir avec l'hégémonie telle qu'on la connaît dans le sens commun, qui est la domination d'un groupe sur les autres groupes, que ce soit sur un plan militaire, politique, international, commercial ou autre. Alors c'est intéressant que vous utilisiez le mot de domination, parce que justement l'hégémonie ne détermine pas une domination, mais une direction. Ça, c'est une distinction que fait Gramsci. C'est une distinction que fait Gramsci et qui est absolument décisive hein, pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'hégémonie. Alors pourquoi l'hégémonie chez lui n'est pas de la domination ? Alors, l'hégémonie n'est pas de la domination, d'abord et avant tout, parce que on ne domine pas ses alliés. On domine ses adversaires, on domine la classe que l'on veut renverser, on ne domine pas la classe avec laquelle on s'allie pour prendre le pouvoir. Et c'est une idée du prolétariat qui est une idée large, une idée qui intègre. Il s'agit d'intégrer en réalité dans le prolétariat non seulement les ouvriers mais l'ensemble des masses, l'ensemble des masses dominées, et ça veut dire à un certain moment dans un certain pays ou dans plusieurs certains pays, dans plusieurs pays, les paysans. C'est le grand problème de la Russie révolutionnaire. Les masses en Russie, ce sont les paysans. Et Gramsci dit, en Italie, nous avons le même problème. À ce moment-là, le mouvement révolutionnaire est impulsé, évidemment, par le prolétariat urbain. Mais ce qui compte, c'est de s'allier les masses qui sont pour l'essentiel rurales, qui sont pour l'essentiel agricoles et qui par ailleurs ont besoin aussi d'intégrer ce qu'on appelle à ce moment-là, qu'on peut peut-être encore appeler aujourd'hui, la petite bourgeoisie. D'où la question, cette question fondamentale qui est celle des intellectuels. Gramsci se rend compte très vite que créer cette alliance, hein, qui est le premier sens de l'hégémonie, est nécessaire avant même la prise du pouvoir, et que pour ce faire, une grande part du travail doit être un travail d'ordre intellectuel. Alors vous l'avez dit, Romain Descendes, il reprend en fait alors cette notion, on va dire, parce que ce concept, est-ce que ça s'adapte vraiment, est-ce que ça s'applique vraiment à la pensée de Gramsci dans la mesure où il n'a pas produit un système de pensée en tant que tel ou même une philosophie en tant que tel. Alors peut-être devrions-nous plutôt dire notion. Cette notion d'hégémonie, il la reprend de Lénine. Est-ce que il a voulu seulement en fait l'adapter au contexte italien ou est-ce qu'il l'a carrément reformaté, repensé? Il l'a effectivement complètement reformaté, mais ça c'est un processus de plus long terme et c'est précisément ce qui se passe au cours des cahiers de prison qui sont écrits sur plusieurs années. Alors savoir si c'est une notion, un concept ou quel est le mot importe peu. Une idée. Le mot importe peu. Ce qui est sûr, c'est que c'est un concept ou une notion qui est d'abord éminemment politique et stratégique, qui définit une ligne d'action et qui est utile dans la perspective de la révolution et la mise en place d'un nouveau rapport entre masse et classe dominante, quoi. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre et qui rend effectivement l'usage de la notion parfois un petit peu complexe, c'est que le propre même des cahiers de prison est de transformer une réflexion qui est une réflexion éminemment stratégique, politique, immédiate, de combat dans une conjoncture, etc., en une réflexion beaucoup plus large qui prend en charge toute l'histoire, en particulier toute l'histoire de l'Italie, mais aussi une grande partie de l'histoire de l'Europe, et que toute une série de notions qui sont des notions politico-stratégiques vont devenir ce qu'on peut appeler des concepts analytiques. C'est-à-dire que à partir du moment où dans les cahiers de prison, Gramsci développe une réflexion qu'il appelle de façon un petit peu ironique Für ewig, pour l'éternité, pour toujours, c'est-à-dire un travail de réflexion et d'archéologie historique pour en gros comprendre comment on en est arrivé là. Comprendre la défaite de la révolution à un moment où la révolution était le grand mouvement international et la défaite aussi des communistes italiens face au fascisme et l'arrivée de la prise du pouvoir des fascistes. À partir du moment où cette réflexion devient beaucoup plus largement une réflexion sur l'ensemble de l'histoire de l'Italie et notamment l'histoire des intellectuels, l'hégémonie devient une catégorie analytique qui va lui permettre en particulier de comprendre comment la bourgeoisie en Europe a réussi à s'imposer, hein. Donc on va avoir toute une réflexion comparatiste entre différentes révolutions à différentes étapes, en particulier la Révolution française bien sûr, mais aussi toute l'histoire du Risorgimento italien, hein, qui est un autre type de révolution qu'il appelle révolution restauration ou révolution passive, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et la révolution russe, bien sûr. Dans ce texte qu'on a entendu, Romain Descendre, donc Antonio Gramsci définit l'hégémonie du prolétariat. Vous l'avez rappelé aussi, donc c'est ce système d'alliance de classe qui permet de se mobiliser, je cite le texte, contre le capitalisme et contre l'État bourgeois. Et il dit, pour opérer, Gramsci nous dit comment opérer cette hégémonie en surmontant les distinctions qui existent entre les différentes professions. Et il faut aussi penser en tant que prolétaire. Alors, comment peut s'opérer cette hégémonie? C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose qui est conscient de la part, par exemple, des classes paysannes, rurales, ou des classes bourgeoises? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière diffuse? Comment, en fait, s'opère cet oubli de la distinction et le fait de penser en tant que prolétaire? Alors, ce qu'il vise là, ce sont ce qu'il appelle, hein, mais ce qu'on appelle encore toujours aujourd'hui les corporatismes de toutes sortes. Il en appelle à la création et à la culture d'une conscience de classe qui aille au-delà des intérêts des différentes professions, des différents corps, mais aussi différentes classes stricto sensu. Ça veut dire que il faut faire des compromis, très clairement. Donc c'est tout ça est conscientisé, on est d'accord, enfin conscient, c'est-à-dire que on va pas intégrer malgré certaines classes des ouvriers, des paysans, on va pas les ramener dans un grand parti et diffuser cette idée de renverser le pouvoir, c'est complètement conscient. On éduque en fait toutes les classes à être une classe unique au-delà des distinctions. C'est ça. Et ça implique un énorme travail et qui est sans doute une des grandes spécificités de Gramsci, à savoir réfléchir aux conditions de possibilité de ce qu'il appelle souvent une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, une nouvelle conscience, ça implique nécessairement combattre tous les dogmatismes d'une part d'autre part de produire ce qu'il appelle il consenso, qui est à la fois une forme de consensus, de consentement, d'assentiment, et qui rend absolument nécessaire un travail culturel et pédagogique. Et c'est là que la question de l'hégémonie devient fondamentale, c'est-à-dire que l'hégémonie, c'est d'abord et avant tout un rapport pédagogique de masse pour lequel Gramsci garde toujours en tête une expérience fondatrice, une expérience fondamentale, qui est celle de l'Ordine Nuovo, c'est-à-dire cet hebdomadaire de culture politique qu'il a créé en 1919-1920 et qui a été le foyer à partir duquel tout ce travail d'éducation prolétaire s'est développé pendant ce qu'on appelle les deux années rouges, le Biennio Rosso, cette période révolutionnaire après la Première Guerre mondiale en Italie du Nord. À cause de Macron. Je pense qu'il y a une colère qui monte un peu partout. Je vois pas un couvreur, un maçon, un plombier, un chauffagiste travailler jusqu'à 64 ans. Et il y a toute une série de catégories sociales qui en ce moment sont exaspérées. On est du privé, mais on est complètement concerné par cette retraite à point. Il y a une mobilisation très forte depuis de nombreux mois maintenant dans l'hôpital public. Il y a la mobilisation des pompiers. Il y a la mobilisation des salariés de la SNCF, la mobilisation des salariés de la RATP. Et je pense que oui, il y a un point commun à l'ensemble de ces mobilisations, c'est un sentiment d'injustice sociale profond, avec le sentiment qu'au fond, dans ce gouvernement, ce sont toujours les mêmes qui casquent, et dans le même temps, un gouvernement qui ne met jamais à contribution ceux qui gagnent beaucoup. Donc oui, je pense et je souhaite qu'il y ait une convergence des luttes, qu'il y ait une coagulation qui puisse se faire, et qu'on ait enfin un gouvernement qui soit amené à changer de cap. C'est absolument injuste. Il faut retirer ça au plus vite. C'est une catastrophe pour la nation et pour le futur. Résistance ! Romain Décembre, on vient d'entendre donc plusieurs archives assez récentes, et notamment la voix de Yann Brossa, membre du Parti communiste français, qui insiste donc sur la pluralité des luttes et des intérêts, notamment dans le cadre de ces dernières grèves. On a entendu plusieurs corps de métier aussi, on voit l'écho avec le texte d'Antonio Gramsci, et puis il y a cette idée de convergence des luttes. C'est un mot qu'on entend depuis quelques années. Est-ce qu'il y a un rapport, une nouvelle forme d'hégémonie dans cette idée de convergence des luttes? Est-ce qu'on y retrouve l'hégémonie de Gramsci? On la retrouve effectivement dans la mesure où une synthèse est nécessaire. Une synthèse est nécessaire, mais la convergence des luttes implique qu'il y ait déjà des luttes sectorielles, qu'elles existent déjà et qu'il s'agisse de les mêler, d'en faire une synthèse qui permette de les rendre plus fortes, hein, évidemment. L'hégémonie chez Gramsci va penser, elle, directement beaucoup plus à un niveau qui est un niveau de masse et de classe. Hein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, parler de convergence des luttes implique qu'on est encore à un stade que lui appelle économico-corporatif, hein, ou économico-corporatiste. Or, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ce stade. Et, vous voulez dire que dans l'idée de convergence, on garde encore l'idée que convergent des intérêts divers, alors que dans l'hégémonie, ces intérêts divers se sont, unifiés en un intérêt général? Tout à fait. Non seulement un intérêt général aux différents groupes en lutte, mais même une forme d'universalisation des intérêts. Il y a quand même cette idée qui est déjà très présente chez Marx que le prolétariat travaille pour l'universel. C'est-à-dire que à terme, une hégémonie réussie implique non seulement quand il s'agit de créer une hégémonie des subalternes, hein, une nouvelle hégémonie contre l'hégémonie déjà existante. Implique d'avoir l'alliance et l'assentiment non seulement d'autres classes dominées, mais aussi d'une bonne partie des anciennes classes dominantes. Hein. Et dans la perspective de Gramsci, l'hégémonie réussie est une hégémonie des subalternes à laquelle les bourgeois vont se rallier. Voilà. Alors c'était loin d'être fait, mais c'était quand même un objectif. Mais du point de vue de Gramsci, est-ce que l'hégémonie est un concept qui... En fait, je vais poser la question très bêtement. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise hégémonie? Parce que une hégémonie définie très méthodiquement, très formellement, c'est l'alliance d'un ensemble de classes face à une classe ennemie qui doit être retournée et dominée. Mais est-ce que ça pourrait être, par exemple, n'importe quelle classe? Donc la classe aristocratique, la classe, bourgeoise, la classe, ou alors en forme de parti, on pourrait penser aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'une hégémonie, une bonne hégémonie pour Gramsci est seulement une question d'alliance réussie? Est-ce que c'est pas aussi la question, parce qu'il y a quand même cette idée-là de prolétariat, donc c'est pas n'importe quelle hégémonie qui est bonne pour Gramsci? Non, bien sûr. Alors, il faut se souvenir toujours, et on en parlait tout à l'heure sur la question de savoir est-ce que c'est une notion, est-ce que c'est un concept, etc. Là, on risque d'essentialiser une notion, celle d'hégémonie, qui n'est jamais essentialisé chez Gramsci. C'est-à-dire que l'hégémonie, ce sont toujours des rapports d'hégémonie. Ce sont des rapports politiques, sociaux, culturels, intellectuels, etc., qui sont en place à un certain moment dans l'histoire et dans une société donnée et qui se déplacent, hein, qui sont sans arrêt, voilà. Donc parler d'une hégémonie réussie qu'on opposerait à une hégémonie incomplète, c'est toujours possible, mais seulement si on sait qu'il s'agit à chaque fois de certains moments de l'histoire. Ou même l'hégémonie bonne, c'est-à-dire opérée par un groupe, par un parti, par une classe que l'on jugerait bonne d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire que... Oui, mais le problème ne se pose pas en ces termes-là, c'est-à-dire que ce sont des choix politiques. La question est de savoir si, à un certain moment de l'histoire, une classe émergente est en mesure de renverser des rapports d'hégémonie existants pour en créer une nouvelle. Après, le fait, Gramsci dirait jamais l'hégémonie bourgeoise est une mauvaise hégémonie parce qu'elle est bourgeoise. Oui, bien sûr, c'est lui, il est pour l'hégémonie des prolétaires. Mais ce n'est pas la question, n'est pas de savoir si elle est bonne ou pas. C'est toujours une question politique et une question stratégique. En revanche, il y a des moments de crise d'hégémonie. Et bon, ça, je vais peut-être pas trop en parler parce que je crois que vous allez en reparler avec Jean-Claude Dancarini. On en parlera demain, oui. Mais ce sont les moments où un pouvoir en place, une classe dirigeante, se trouve dans une situation où elle ne réussit plus à faire accepter son pouvoir, sa domination, et où les opérateurs du consentement, de l'assentiment au pouvoir, se fissurent de tous côtés. Donc là, ça, c'est un moment de crise d'hégémonie. Pourquoi on appelle ça un moment de crise d'hégémonie ? Précisément parce que l'assentiment, le consentement ne suffit plus et que pour garder le pouvoir en place, la force, la coercition devient première. Un exemple massif pour Gramsci, et ça c'est des conjonctures, hein. Un exemple massif, c'est la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale ? Eh bien, les masses entrent dans l'histoire, deviennent protagonistes de l'histoire, et donc tout l'équilibre précédent qui permettait, disons, à une toute petite classe dirigeante de dominer sans trop de difficultés de grandes masses s'effondre. D'où la révolution et d'où cette grande période révolutionnaire, etc. On pourrait se demander si aujourd'hui, en France, on n'est pas en train de vivre une certaine crise d'hégémonie quand on voit tous les problèmes de gestion des mouvements sociaux qui émergent de tous côtés. Et alors là, on retrouve votre question de la convergence des luttes d'un côté, mais de l'autre, comment y répondre et comment réussir à faire en sorte que une communauté nationale puisse retrouver son unité. Hein. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Ouvrez les menus de l'aisier ! Ouvrez ! Renforçons les cris ! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage ! Au jeu de paume ! Oui, il a raison, au jeu de paume ! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Vous écoutez France Culture, c'est le premier moment de notre semaine consacré au marxiste italien Antonio Gramsci. Et aujourd'hui, nous évoquons son concept d'hégémonie en compagnie de Romain Descendre. Romain Descendre, nous venons d'entendre un extrait de La Révolution française, ce film de Roberto Enrico de 89. Est-ce qu'on y a entendu l'exemple d'une hégémonie, même si vous avez dit que ça n'avait pas vraiment de sens, une hégémonie réussie, disons, où en fait, aucun élément ne s'est éparpillé, ne s'est dispersé et tous les éléments sont unis autour d'une idée centrale et générale. Je ne sais pas, parce que par définition, le processus d'hégémonie est un processus très long, donc on ne peut pas. Ça n'est pas le moment de la révolution. Non, on peut pas. Non. Pour peut-être renverser une hégémonie en place des moments révolutionnaires rapides peuvent être décisifs, mais ils ne sont décisifs que parce qu'ils ont été préparés par un long travail hégémonique de la classe qui à un certain moment va prendre le pouvoir, mais qui travaille à renverser ce rapport d'hégémonie depuis longtemps. Et typiquement, la bourgeoisie au moment de la Révolution française, eh bien voit tout son travail préparé dans une dimension plus, on va dire, intellectuelle et culturelle par le mouvement des Lumières, et c'est un, voilà, c'est un exemple canonique de ce qu'une hégémonie peut être, un travail d'hégémonie peut-être, qui évidemment ne se passe pas dans ce que Gramsci appelle la guerre de mouvement. Il oppose la guerre de mouvement et la guerre de position. Ce sont simplement des moments historiques différents. Hein. C'est pas, il s'agit pas de les opposer l'un à l'autre, mais il y a des conjonctures qui conduisent à ce que le travail politique d'ambition révolutionnaire soit conçu sur le mode d'une guerre de position qui va prendre des années, souvent même des décennies. Mais ce qui est paradoxal à vous écouter, Romain Descendre, c'est cette idée quand même que l'hégémonie se prépare, se construit, est consciente. On l'a entendu dans le texte qui a été lu tout à l'heure, diffusé tout à l'heure, qui est quand même qu'il y a tout un travail en fait sur les différentes classes sociales. Et en même temps, tout est une question de conjoncture aussi chez Gramsci. Donc comment articuler cette idée en fait de se préparer à renverser le pouvoir et en même temps de saisir cette opportunité d'une hégémonie qui serait réussie parce qu'elle réussirait à renverser un rapport de pouvoir et à dominer des classes qui étaient ennemies. On parle de deux questions différentes, c'est-à-dire que il y a toujours un rapport d'hégémonie, il n'y a pas toujours de rapport révolutionnaire, il n'y a pas toujours de moment révolutionnaire. Le renversement d'hégémonie, la création d'une nouvelle hégémonie est un objectif qui se poursuit et qui est, Gramsci le dit très clairement, c'est-à-dire que la question de l'hégémonie, elle se pose avant la prise de pouvoir, elle se pose pendant la prise de pouvoir et elle se pose encore longtemps après. En fait, le système, est-ce qu'il décrit même un nouveau système politique, une nouvelle structure politique avec l'hégémonie ? Est-ce qu'elle est là tout le temps, en fait, l'hégémonie ? Oui, je pense qu'elle est là tout le temps, oui. Il y a tout le temps des rapports, il y a tout le temps des rapports. C'est pas l'hégémonie qui est là tout le temps, mais il y a tout le temps des rapports d'hégémonie spécifiques. Et ces rapports d'hégémonie spécifiques, ils sont... en fait, le nom que pourrait traduire ça par la question des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux à l'intérieur de la société civile ou à l'intérieur de l'État, si on considère que l'État, ce n'est pas simplement un appareil de pouvoir, un appareil de domination, des institutions précises, etc., mais que c'est, comme le redéfinit Gramsci, un État élargi qui prend en charge aussi toutes les relations d'ordre public et privé à la fois qui se développent dans la société civile. Alors voilà ce que dit Gramsci dans une lettre à Tatiana Schucht du 7 septembre 1931. C'est dans ses lettres de prison qu'on trouve dans ses lettres de prison. Il lui dit « L'étude que j'ai faite sur les intellectuels est très vaste dans son dessin et en réalité je ne crois pas qu'il existe en Italie de livres sur ce sujet. Il existe certes beaucoup de matériaux d'érudition mais dispersés dans une quantité innombrable de revues et d'archives historiques locales. » D'ailleurs, j'élargis beaucoup la notion d'intellectuel et je ne me limite pas à la notion courante qui renvoie aux grands intellectuels. Cette étude conduit aussi à préciser quelque peu le concept d'État par lequel on entend habituellement la société politique ou dictature ou appareil coercitif pour conformer les masses populaires au type de production et à l'économie d'un moment donné et non l'équilibre entre la société politique et la société civile ou hégémonie qu'un groupe social exerce sur la société nationale dans son entier à travers les organisations dites privées comme l'église, les syndicats, l'école, etc. Et c'est justement dans la société civile qu'opèrent spécialement les intellectuels. Donc Romain Descend, on a là cette redéfinition de l'État entre société civile et société politique ou effectivement ou à laquelle nous mène en tout cas l'hégémonie. Tout à fait. C'est un texte extrêmement important parce que c'est sans doute un des passages les plus synthétiques sur l'opération que est en train de mener Gramsci dans les cahiers de prison. Et on voit se déployer toute une série de notions qui sont reliées les unes aux autres. Que celle d'hégémonie, bien sûr, de société civile et d'intellectuel. L'idée est que la nouvelle hégémonie, j'y faisais allusion tout à l'heure, implique de développer très largement la notion d'intellectuel et l'action des intellectuels, sachant que les intellectuels, qu'est-ce que c'est ? C'est non pas les grands intellectuels, les représentants d'une autorité symbolique, culturelle, intellectuelle, les professeurs notamment, hein, mais c'est dans la société tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, exercent des fonctions de direction. C'est-à-dire ceux qui vont orienter, organiser l'action d'autres personnes. Cela va du plus haut au plus bas, hein, pour Gramsci. Il intègre dans la notion d'intellectuel non seulement les plus hauts dirigeants, il va jusqu'au pape, hein, qui est considéré particulièrement dans voilà, l'Italie du la première partie du XXe siècle comme une autorité intellectuelle et symbolique suprême. Jusqu'aux techniciens d'usine qui ont à la fois un savoir et des pratiques qu'ils possèdent en propre, mais qu'ils transmettent à d'autres, qui les amènent à un niveau tout à fait local à diriger d'autres personnes. L'hégémonie à ses agents, à ses fonctionnaires, et ce sont ces intellectuels qu'il faut s'imaginer à tous les niveaux. Un instituteur, par exemple, mais un agent un petit fonctionnaire de l'État dans un village d'une communauté rurale méridionale en Italie, hein, ça fait partie des intellectuels qui sont d'ailleurs dans une certaine tradition marxiste et dans le langage des marxistes de l'époque, souvent assimilés aussi aux petits bourgeois. Hein. Les petits bourgeois sont par définition les intellectuels que Gramsci non seulement veut rallier à donc cette grande alliance des masses à la fois ouvrières et paysannes, mais qui vont avoir un rôle tout à fait particulier parce que c'est eux qui vont transmettre à la fois cette culture, cette pensée politique qui va permettre aussi que du sein même des masses, et c'est ça l'enjeu fondamental, naissent de nouveaux intellectuels. C'est-à-dire qu'il faut que, au sein même de la classe ouvrière et de la classe paysanne, se forgent ces nouveaux intellectuels qu'il appelle des intellectuels organiques, qui sont organiques non pas parce que on emploie souvent aujourd'hui l'expression par rapport au parti, un intellectuel organique de tel parti. Non, c'est pas des intellectuels organiques de parti, c'est des intellectuels organiques de classe. C'est des intellectuels qui prennent en charge des aspirations d'émancipation des masses elles-mêmes. D'où tout le travail intellectuel et culturel nécessaire qui fait qu'on confond trop souvent l'hégémonie avec ce qui est un cas particulier, à savoir l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que la culture est fondamentale dans tout ce processus, mais l'hégémonie, c'est un concept essentiellement politique et sociale. Mais on voit bien avec Gramsci que la culture, en fait, est essentiellement politique, que c'est elle qui est le ciment, en fait, d'une organisation politique où chaque homme aurait un rôle à jouer, ferait partie aussi d'un tout, aurait à se penser en tant que prolétaire, aurait à dépasser, comme on l'a entendu dans le premier texte, la corporation à laquelle il appartient. Ce qui m'intéresse aussi, Romain Descendre, dans cette idée, la d'hégémonie avec le rôle que peuvent y jouer les intellectuels, c'est que qu'est-ce qui différencie en fait une hégémonie d'une forme de dictature et même le rôle des intellectuels de la propagande en fait. Comment avait pensé, est-ce que Gramsci avait été confronté à cette objection-là? Quelle est la différence? Et c'était un petit peu aussi le sens de ma question tout à l'heure sur qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise hégémonie? D'accord. Alors. Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes. Là, ça va être compliqué. La dimension essentiellement politique, ouvrière ou prolétarienne de la culture c'est fondamental, c'est vrai, mais il ne se contente pas de ça et de loin, c'est-à-dire qu'il réintègre toute la culture humaniste. Et en fait, ce qu'il veut, c'est pouvoir harmoniser, allier une nouvelle culture, qui soit donc cette nouvelle société, nouvelle civilisation, qui intègre à la fois un terrain ouvrier et pratique et la plus haute culture de tradition humaniste bourgeoise, hein, mais même pas que bourgeoise, aristocratique avant même d'être bourgeoise. Pourquoi ? Parce que sans cette culture humaniste, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction efficace possible. Et sans avoir les armes pour contrer la culture des classes antagonistes, eh bien, on se laisse toujours reprendre par ces classes-là. Donc l'ambition est énorme, l'ambition culturelle est énorme, et ce n'est pas de la propagande politique. La dimension politique est fondamentale, la culture politique est fondamentale, et c'est là qu'entre en jeu aussi toute la question de redéfinir ce que c'est que la philosophie marxiste, la conception du monde qu'il appelle philosophie de la praxis, hein, et qui doit être bien distinguée d'un certain matérialisme vulgaire propre au matérialisme historique de l'époque qu'il ne cesse d'attaquer, mais c'est aussi la plus haute des philosophies, et cette ambition est énorme, et elle se lie notamment dans toute sa redéfinition de la philosophie, partant de l'idée que tous les hommes sont potentiellement des intellectuels et des philosophes. علمي ما شفته والدارس عفته وضعيتي كفته بلا تشارة حصتي سلبوني اسمي نسوني دمعت عيوني بلا تشارة بوقي مسلوبة وضعيتي طوبة ما عندي صوبة بلا تشارة تعييني مغلس والجيب مفلس جائل من أدرس بلي تشارة رزقي سلبوني حقي باقوني نيت تصدقوني بلي تشارة إخواني راحوا نسواني صاحوا ولدنا طاحوا بلي تشارة والوضع خابط مستقبل صار بلي تشارة والحل فهموني راح يعلسوني الظهر وحجي بلي تشارة سلمي يا راي والحجي زايد ضربوه وقاعد ماكو تشارة وطني يتعافى عيشوا نتصافى كل اللي صار نشوف لي تشارة Merci beaucoup Romain Descendre d'avoir ouvert cette semaine sur Antonio Gramsci et son concept, donc j'ose le dire, son concept d'hégémonie. Je signale que vous avez publié en Italie un recueil Gramsci en France que vous avez copublié, coédité avec Anthony Crézégu qu'on recevra. Notamment avec Anthony Crézégu, c'est aux éditions Il Mouline. Voilà, vous saviez, vous êtes mieux le prononcer de Bologne que moi. Et puis vous êtes en train de rédiger, donc avec Jean-Claude Zancarini, un ouvrage sur Gramsci qui paraîtra aux éditions La Découverte. Et enfin, sur un tout autre sujet, vous êtes l'auteur de L'État du monde, Giovanni Botero entre raison d'État et géopolitique, qui est disponible aux éditions Drose. Et un grand